Make-up pour les aveugles. Oui, make-up pour les aveugles, parce que never, non, jamais, jamais me podrán ver, pourront voir. Et tu veux ça, c'était ici, c'est ça pour toi. Non, ça va, mais moi je me lève parce que, non. Pour moi, j'ai... Ah mais c'est très bien, hein. C'est bon. Visuel, je crois.